Le changement climatique est là. Alors, on fait quoi ? Moi, je fais mes courses en vrac. Ah, moi, je me déplace à vélo. Et je fais pipi sous la douche. Tous nos gestes comptent. Mais comment aller plus loin ? À la Fondation Terre Solidaire, nous pouvons agir ensemble sur nos modes de vie pour construire une transition écologique vertueuse. Nous soutenons les initiatives locales qui inventent de nouvelles façons de produire et de consommer, comme la création d'une filière de la fleur française en circuit court ou le développement local des énergies renouvelables via des collectifs de citoyens. Pas d'action sans don. Soutenez la Fondation Terre Solidaire. La science CQFD, Natacha Triou. Le Festival de Cannes se poursuit. Pour l'occasion, nous nous entretenons avec un maître du cinéma asiatique, un des plus grands auteurs de la nouvelle vague coréenne, Kim Ji-woon, est notre invité. Cela fait 20 ans qu'il est l'un des chefs de file du renouveau du cinéma sud-coréen. En 10 longs métrages, le réalisateur a touché à tous les genres, que ce soit la science-fiction, la comédie, l'horreur ou encore le film noir. Une filmographie riche de fantômes, de psychopathes, de Frankenstein contemporain ou de robots bouddhistes, où se mêlent l'épouvante et l'étrange. Un cinéma riche et inventif qui rencontre un succès international. Il est en ce moment à Cannes avec le film hors compétition Cobweb. Comment a-t-il renouvelé le cinéma de genre ? Le fantastique Mr. Kim Ji-woon. Merci à vous d'être là à l'écoute de France Culture. Vous pouvez nous suivre sur les ondes, mais aussi sur Twitter pour notre live tweet, riche de sources et de ressources complémentaires. C'est tout de suite à Science CQFD, c'est à retrouver sur notre page sur franceculture.fr. Jusqu'à 17h, nous vous proposons donc une émission en diptyque, en deux temps. En premier temps, un entretien inédit avec le réalisateur coréen que nous avons eu la chance de rencontrer lors du Festival du film fantastique de Gérardmer. Et en second temps, une analyse de son œuvre avec deux spécialistes du genre. Kim Ji-woon, bonjour. Bonjour. Je suis très très très contente de faire votre rencontre. Merci d'avoir accepté cette interview. On va parler de cinéma de genre, de comment vous le renouvelez, du regard que vous posez sur le cinéma fantastique. Là, nous sommes à la 30e édition du film international du film fantastique de Gérardmer. C'est une question que j'aime bien poser aux réalisateurs qu'on rencontre ici. S'il y a une scène emblématique du cinéma d'horreur qui vous a marqué, c'est laquelle ? Que 내가 어렸을 때 봤던 영화 중에서 William Friedkin 감독의 엑소시스트. Oui, c'est un film de quand j'étais enfant. C'est le film L'Exorciste de William Friedkin qui m'avait beaucoup marqué. Et la scène qui a été pour moi la plus impressionnante, c'est en fait quand le prêtre joué par Max von Sydow arrive dans la demeure de Linda Blair. Et en fait, c'est d'ailleurs l'affiche du film. On voit la silhouette du prêtre, on voit le brouillard. Et c'est vraiment quelque chose qui a été une scène marquante pour moi. Et donc après, en étant devenu réalisateur, c'est toujours une scène que je garde en mémoire. J'essaie de recréer dans les films noirs que je fais, en tout cas recréer l'ambiance. Et ça, oui, en effet, c'est quelque chose qui va infuser tout le restant de vos films. Donc, quand je fais des films noirs, oui, effectivement, c'est l'ambiance que j'essaie de recréer. C'est toujours la scène, en tout cas, que j'essaie de garder en mémoire. Alors, est-ce que vous, en tant que spectateur, vous aimez avoir peur au cinéma ? Oui, la peur, en fait, c'est justement un outil en fait, qui permet de nous concentrer sur le film. Donc, c'est vraiment un outil, effectivement, que j'apprécie. C'est de la concentration, c'est quelque chose qui vous accroche, qui vous permet de regarder un film jusqu'au bout, c'est ce sentiment de peur. Oui, effectivement, j'aime beaucoup cet outil parce que c'est vraiment à travers la peur qu'on fait une expérience et qu'on vit et qu'on arrive à vaincre finalement ce qu'on voit. Donc c'est quelque chose, oui, que j'aime beaucoup. Ici à Gérardmer, on voit beaucoup de films d'horreur. Certains de vos films ont d'ailleurs été présentés dans ce festival. Certains de vos longs métrages m'ont terrifié, littéralement terrifié. Je pense à Deux Sœurs notamment. J'étais parfois cachée sous mon siège. Est-ce qu'on peut dire que la qualité d'un film d'horreur dépend de l'intensité de la peur qu'il génère ? Oui, en fait, je pense que c'est pas si important que ça, mais c'est quelque chose en fait qui montre l'identité de l'être que l'on est, et c'est quelque chose justement qui va durer plus longtemps, et c'est ça en fait que l'on garde le plus souvent. Oui, Oui, je pense qu'en fait, finalement, ce qui est le plus intéressant, c'est pas juste faire peur, c'est pas une sorte de, comment dire, pornographie de l'horreur, juste montrer pour faire peur qui est important, c'est parler de la peur instinctive, de la peur que l'on a, la peur originelle qui est en nous et de la raconter. C'est ça, je pense, qui finalement est plus intéressant. Et pour moi, finalement, les films les plus importants sont les films qui s'adressent à la peur originelle de l'homme et aussi qui parlent à l'inconscient de l'être humain. Je pense que c'est vraiment ça, les films que j'ai aimés, les films d'horreur que j'ai appréciés. Lesquels, par exemple ? Oui, par exemple, justement, l'exorciste, ça parle d'un thème qui était vraiment très nouveau à l'époque, que l'on ne connaissait pas. Et en plus, ça questionnait vraiment le bien et le mal, Dieu et le diable. Donc, c'était quelque chose d'assez frais. Et puis, il y a également Get Out, par exemple, justement, qui questionnait le racisme. Comment est-ce que la discrimination pouvait aller très très loin et pouvait entraîner une sorte de d'horreur de l'être humain. Alors sur le fait de questionner le bien le mal, ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans votre filmographie. Là on parle d'horreur, on parle de peur, mais votre filmographie est très éclectique, hein, Kim Ji-woon. Vous avez débuté votre carrière en 98 avec la comédie déjantée The Quiet Family. Vous vous attelez aussi bien au cinéma de genre, au western, à la comédie, à la science-fiction, au polar. On peut pas vous cantonner à un genre en particulier. Pourquoi est-ce que ça vous tient à cœur? C'est parce qu'en fait, quand j'étais enfant, je voyais beaucoup de films, beaucoup de genres de films, et beaucoup de films de genre, et je me disais, si moi je me faisais ce film, quel film ça donnerait? Et c'est comme ça que finalement j'ai commencé à faire des films. En fait, finalement, tous les drames parlent de l'être humain et surtout de la peur que l'on ressent en tant qu'être humain. Donc, pour moi, le film de genre est vraiment idéal parce qu'il y a toujours des clichés ou des codes à l'intérieur. Par exemple, le film d'horreur parle de la peur de l'invisible, le film de science-fiction parle de la peur du futur, les films mélodramatiques parlent de l'échec, de la peur de l'échec sentimental, le film noir, c'est la peur de la violence. Donc en fait, les films de genre parlent toujours de la peur. Et donc moi, j'essaie justement de parler de ça pour pouvoir vaincre ces peurs. Alors, vous êtes très éclectique dans les genres que vous manipulez avec aisance, mais le fil rouge de votre cinéma, selon vous, ce serait ça? Ce serait la psyché des êtres humains, de vos personnages? Oui, effectivement, c'est la psyché, c'est comment est-ce que la psyché change, comment est-ce qu'on arrive à la vaincre, comment est-ce qu'on arrive à la trouver, comment est-ce qu'on arrive à aborder cette psyché, parce que finalement, tous mes films parlent d'un individu et de son monde qui l'entoure, et finalement, la relation qu'entretient cet individu à ce monde. Donc, parfois, il peut y avoir une chute, une faillite, une chute, mais finalement, le personnage principal se retrouve lui-même. Et en fait, finalement, ça revient un peu au thème de Thanatos, c'est-à-dire qu'il y a toujours la chute ou l'échec, et le personnage principal sait qu'il va échouer, et pourtant, il continue dans cette voie qui va l'amener à sa perte, à sa chute, parce qu'il y a quelque chose d'envoûtant, et il continue malgré cela, et il sait lui-même que finalement, ce qu'il est en train de faire va le mener à sa perte. Mais c'est ça, en fait, c'est ce questionnement, finalement, qui pourra aussi l'aider à la délivrance. On va parler un peu plus dans le détail de vos films qui sont emblématiques et que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Mais avant ça, j'aimerais bien qu'on revienne sur votre parcours. Kim Ji-woon, vous êtes né en 1964 à Séoul, en Corée du Sud. Vous nous avez dit que vous êtes, dès votre plus jeune âge, un cinéphile. Mais c'est par le théâtre que vous commencez. C'est-à-dire que 처음으로 예술이라는 거 Oui, tout à fait. C'est là, en fait, que j'ai commencé à faire mes études sur l'art donc populaire. Et pour moi, en fait, c'était aller à l'origine, aux sources de ce qu'est le drame, la dramatique. Et donc, pour faire de l'audiovisuel, pour faire un film, il faut essayer de comprendre ce qu'est ce drame. Donc, ce que j'ai appris donc dans cette école, c'est comment faire une mise en scène. En tout cas, au théâtre, ce que j'ai appris, c'est la mise en scène, la direction d'acteur, et ce que j'en retire le plus et ce qui m'a vraiment aidé dans ma carrière, c'est effectivement de connaître un peu plus ces acteurs qui sont des êtres très sensibles et très délicats, mais pas dans le sens péjoratif. C'est vraiment ce qui m'a en tout cas beaucoup aidé. Et j'avais également appris au théâtre à jouer, donc en tant qu'acteur, et finalement je me suis rendu compte que je préférais plutôt ne pas me mettre devant, ne pas me mettre en scène, mais plutôt être derrière, c'est-à-dire faire de la mise en scène. C'était beaucoup plus séduisant pour moi, et c'est pour ça que ça m'apportait vraiment aussi beaucoup de satisfaction. Donc c'est comme ça que je me suis peu à peu dirigée vers la mise en scène, et, en laissant en fait ma carrière d'acteur. Et d'ailleurs, c'est à cette époque que j'ai compris en fait que je préférais finalement l'ombre à la lumière, parce que sous la lumière, sous les projecteurs, je me sentais beaucoup moins rassurée, alors que à l'ombre, dans les coulisses, je me sentais beaucoup plus sûre de moi. Il y a quelque chose en particulier, un enseignement lors de cette école, le Seoul Institute of the Art, quelque chose en particulier que vous avez appris qui vous sert encore aujourd'hui sur les directions d'acteurs, par exemple? Je dirais pas en tout cas que c'était un enseignement ou quelque chose que j'ai appris de cette école, mais c'est surtout en fait en fréquentant les acteurs et en les rencontrant que j'ai énormément appris. J'ai beaucoup appris d'eux et également de leur monde, de leurs habitudes, de leurs défauts, de leurs qualités. Ça m'a beaucoup apporté. Et puis à l'école, par contre, ce que j'ai appris, c'est vraiment la respiration, parce que c'est vraiment à travers la respiration qu'on arrive à obtenir différentes émotions. Il y a différentes sortes de respiration. On peut respirer par le cou, par les poumons et également par le ventre. Et en fait, plus on se concentre sur la respiration du haut, c'est-à-dire plus on monte, plus on arrive à obtenir une interprétation un peu plus hystérique ou un peu plus émotive. Et un peu plus précise. Et c'est quelque chose dont je m'inspire aussi également aujourd'hui sur les plateaux de tournage quand je dirige mes acteurs, et c'est quelque chose de très efficace. Alors vous dites, vous préférez l'ombre à la lumière. Comment ça s'est passé alors le passage au 7e art? Comment on passe du théâtre au cinéma? En fait, je ne suis pas vraiment passée du théâtre au film. Quand je suis allée vers le théâtre, c'est dans l'espoir déjà de faire des films que j'ai fait du théâtre. Donc j'avais toujours en moi cette idée de faire des films. Et ce que j'ai beaucoup appris, je dirais, c'est auprès des acteurs, parce qu'ils mènent toujours une vie un peu bohémienne, un peu nomade ou hippie, donc pour laquelle j'ai un immense respect. Et en les fréquentant, j'ai beaucoup appris en tout cas de ce que veut dire le drame en général, parce que après, bien sûr, il y a également tous les aspects techniques, la lumière que je devais apprendre, mais pour moi vraiment la signification du drame et apprivoiser en fait ce qu'est le drame était beaucoup plus important, parce que finalement, juste pour faire des films, je pense qu'on n'a pas finalement besoin d'apprendre, d'aller dans une certaine école. On peut voir énormément de films et apprendre soi-même pour devenir un bon réalisateur. On n'a pas absolument besoin de passer par une école. France Culture, la science CQFD, Natacha Trio. Kim Ji-min, l'un de vos premiers succès, c'est Deux Sœurs, c'est l'adaptation d'un conte. Tourné en 2003, il obtient le Grand Prix et le prix du jury du Festival du Film Fantastique de Jaarmee en 2004 et du Festival International du Film Fantastique de Bruxelles en 2004 aussi. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'adapter un conte très populaire en Corée ? Donc c'est en fait un conte classique en Corée, il y a un esprit vengeur. Parce que dans le résumé de ce conte, il y avait, bien sûr c'est un conte très classique, où donc il y a le bien et le mal, et donc c'est une narration assez classique, mais il y a un esprit fantôme qui pouvait inspirer en tout cas une certaine peur. Et en plus de ça, donc il y a le personnage de la belle-mère qui opprime ses belles-filles, et donc ça avait un côté un peu horrifique. Et en plus de ça, je pouvais rajouter quelques éléments un peu plus modernes, et je trouvais que ça pouvait en faire un film assez triste et beau en même temps, parce que je voulais pas que je fasse un film d'horreur qui puisse seulement faire peur. Je voulais que le film soit également beau et qu'il fasse peur. Donc je me suis dit que choisir cette histoire pouvait donner quelque chose d'assez beau et d'horrifique en même temps. Oui, c'est ça, c'est que Deux Sœurs, ce n'est pas un simple film de fantômes. Oui, en fait, quand j'étais enfant, je voulais déjà faire un film qui fasse à la fois peur, mais qui soit également très triste. Et je pense que j'ai trois films qui m'ont beaucoup influencé. C'est Topaz de Hitchcock, La Nuit du Chasseur de Charles Laughton, et également le film japonais Kwaidan. Ce sont tous les trois des films qui sont vraiment très beaux et qui sont à la fois très tristes. Oui, en fait, j'ai vu Topaz de Hitchcock quand j'étais très jeune, mais vraiment quand j'étais enfant, j'étais même pas encore à l'école à l'époque, et je me souviens d'une scène en particulier, c'est le personnage masculin qui enlace le personnage féminin, et je crois qu'en fait, il doit lui planter un couteau, et finalement, tout d'un coup, donc après lui avoir planté le couteau, en fait, on passe à une sorte de contre-plongée, ou plutôt un plan aérien, où on voit cette femme qui s'effondre, et en s'effondrant, en fait, sa robe, qui est en velours rouge, tout d'un coup se déploie comme si c'était une fleur qui éclot, et comme si c'était du sang qui était petit à petit dispersé dans de l'eau. Donc c'était une scène absolument magnifique, et je me demandais, c'était bizarre parce que je me disais que c'est une scène qui faisait peur mais qui en même temps était magnifique, et pourtant elle me rendait triste. Donc tous ces trois sentiments à la fois, je les éprouvais en même temps, et je me demandais si c'était pas ça finalement la mise en scène. Donc c'était un film qui m'avait beaucoup marqué, et également La Nuit du Chasseur, ça c'est vraiment un film qui va rester dans l'histoire de l'humanité. C'est un conte cruel, et je dirais que presque toutes les scènes sont absolument incroyables. Et donc le troisième film, Kwaidan, qui parle d'une légende japonaise, et il y a cette atmosphère vraiment très calme, cette ambiance très spéciale qui s'adresse vraiment à l'inconscient. Donc ce sont vraiment trois films qui m'ont beaucoup inspiré. Dans Deux Sœurs, qui n'est donc pas un simple film de fantômes, on voit que vous évitez le gore, c'est surtout l'intrication des fils psychologiques et narratifs qui est important dans ce film. Mais tout de même, il existe une tradition du film de fantômes dans le cinéma asiatique et le cinéma coréen. Comment est-ce que vous vous inscrivez dans cette tradition-là? Oui, c'était une époque où les films asiatiques commençaient de plus en plus à faire leur apparition en Occident, les films d'horreur bien sûr, donc par exemple les films d'horreur de Hideo Nakata ou de Kiyoshi Kurosawa, qui ont produit vraiment des chefs-d'œuvre dans le genre, et j'essayais de trouver ma place. Donc je voulais en tout cas que moi mes films d'horreur soient à la fois tristes et beaux, comme je vous l'ai déjà dit. Je voulais en tout cas qu'ils soient un peu plus peut-être stylés, et que j'arrive à trouver mon style et ma propre expression dans ce genre de film. Mais je pense que je suis quand même venue plutôt vers la fin, parce qu'après Deux Sœurs, je crois qu'il y a quand même eu très peu de films d'horreur asiatique qui se sont vraiment démarqués. En tout cas, Deux Sœurs, moi, ça m'a terrifiée, comme je vous disais. Et j'aimerais bien savoir si vous aviez des astuces de mise en scène à partager avec nous pour faire monter cette pression et cette terreur psychologique. Il y a 장화 공연에서 막 시도했던 것은 Oui, en fait, je pense que bon, c'est un film d'horreur, mais entre pour créer ce suspense et cette horreur, en général, jusqu'au moment de la surprise, il y a un certain délai, il y a un certain timing. Et pour ce film-là, à chaque fois, j'ai essayé de décaler le timing pour qu'il y ait une attente encore plus longue. Donc, il y a eu une sorte, je dirais, de rythme un tout petit peu qui s'est décalé. Ce que les spectateurs me disaient souvent, c'est que, par exemple, ils se cachaient souvent le visage parce qu'ils se disaient que c'est à ce moment-là, par exemple, que le fantôme apparaîtrait, et ils voyaient que ça n'arrivait pas, et au moment où ils se disaient, tiens, c'est bizarre, et qu'ils enlevaient leurs mains, c'est là, en fait, que la scène la plus horrible arrivait, et ils disaient justement qu'à cause du timing, finalement, le film faisait encore plus peur, parce que c'est au moment où on attendait, et que quand ils s'y attendaient le moins, finalement, que la scène d'horreur arrivait. Oui, et puis en fait, c'est quelque chose aussi que j'avais compris dans The Quiet Family, c'est que l'humour et l'horreur, ce sont vraiment deux choses dont on a l'impression qu'ils sont complètement différentes ou à l'opposé. Mais finalement, en mixant les deux, on obtient quelque chose d'assez formidable. C'est-à-dire que ces deux sentiments sont finalement très, très similaires parce que ces deux choses, enfin, donc l'humour et l'horreur doivent apparaître au moment où on s'attend le moins pour que ce soit très efficace. Et finalement, tout est une question de timing et de tempo. C'est vraiment quelque chose de capital. Quand on arrive à apprendre exactement à quel timing et quel tempo il faut utiliser l'humour et l'horreur, finalement, on a déjà réussi ce en quoi on voulait parvenir. Alors, l'humour et l'horreur, hein, des scènes qui sont très drôles et des scènes terrifiantes, ça aussi, vous savez magnifiquement le faire dans ce grand film qui est J'ai rencontré le diable en 2010. C'est un film qui remporte le prix du public, le prix de la critique et le prix du jury jeune au festival de Gérardmer en 2011. Et là encore, vous arrivez à manipuler ces deux registres qu'est l'humour et l'horreur avec une certaine gourmandise, j'ai l'impression. Oui, c'est un film de deux heures où on a justement que de la vengeance pendant deux heures. Il s'agit d'un film d'un homme qui en pourchasse un autre. Et en fait, finalement, le titre, le diable dans le titre, ça peut également être, bien sûr, le personnage donc, qui est joué par Choi Min-sik. Mais ça peut être également le diable qu'on rencontre donc dans ce personnage masculin qui a l'air quelqu'un de bien, mais qui finalement rencontre le diable qui est en lui. Quand donc j'avais réfléchi donc à l'intrigue et à l'histoire de J'ai rencontré le diable, je me suis inspirée d'une citation de Nietzsche qui disait que quand on est au plus profond de l'abysse d'un monstre, finalement on devient soi-même un monstre. Donc en racontant cette histoire de vengeance, finalement je me demandais la personne donc qui recherche cette vengeance, est-ce que le mal, enfin est-ce que le diable est celui qui est à l'origine de cette vengeance, ou est-ce que c'est la personne qui désire se venger qui elle-même aussi est une sorte de diable? Donc je me demandais le diable ne pouvait pas finalement qualifier en fait ces deux personnes, parce que finalement c'est quelque chose d'assez flou, on a une sorte, et c'est pour ça que c'est assez ironique, et c'est pour ça que je voulais faire ce film pour décrire l'ironie. Mais il y a toujours une grande ambiguïté quand il s'agit de la vengeance, c'est quelque chose en fait, finalement on ne sait pas de quel côté est le bien et le mal, et je voulais également montrer qu'on n'arrive jamais à obtenir ce que l'on veut en étant vengé, on n'obtient pas une satisfaction même quand on se venge, et il y a une sorte de néant et même de vide en fait qui nous emplit même après avoir accompli l'acte de vengeance. Oui, et puis en fait, quand on parle de films de vengeance, il y a toujours donc cette quête de vouloir se venger d'un personnage qui est horrible. Et en général, une personne qui a été victime, quand elle veut se venger, si elle se venge juste en tuant la personne qui lui a fait du mal par un pistolet ou par un couteau, finalement, elle peut penser que c'est inutile parce que c'est beaucoup trop rapide. Finalement, la vengeance n'aura pas duré assez longtemps. Et la victime qui a dû souffrir, qui a beaucoup souffert de douleurs psychologiques ou physiques, finalement cherche à faire payer l'agresseur, et elle veut lui faire payer ce qu'elle a enduré elle-même, donc la destruction totale dont cette personne a été victime. Donc Petit à petit, c'est finalement cette douleur psychologique et physique qu'elle veut lui faire payer. Et elle fait exactement la même chose qu'elle a reçue pour faire payer en fait l'agresseur. Et c'est que dans J'ai rencontré le diable, Kim Ji-woon, on peut dire que vous pensez que vous renouvelez complètement le genre du revenge movie, le film de vengeance. Et d'ailleurs, sur la forme, pendant la première partie du film, le tueur est filmé comme un chasseur, un prédateur, il est filmé en contre-plongée. Puis ça s'inverse, la façon dont vous le filmez change. Oui, tout à fait. En fait, on voit donc une sorte de chasse à l'homme. Et puis, effectivement, je voulais décrire donc ce personnage comme une sorte de prédateur, comme s'il y avait une sorte de jeu du chat et de la souris. Et ce que j'ai appris finalement, c'est qu'il paraît que les psychopathes ne ressentent pas du tout la peur. C'est qu'en eux, enfin, il n'y a pas du tout en fait cette empathie que les êtres humains normaux ont. Et il paraît qu'ils n'éprouvent pas du tout de la douleur, à part la douleur physique. Donc finalement, quand on voit dans mon film, quand le personnage principal essaie de faire souffrir donc ce personnage diabolique, on voit qu'il est déjà voué à l'échec dès le début, parce que ce psychopathe ne ressent aucune douleur psychologique. Donc c'est pour ça que justement il va aller jusqu'à chercher la famille donc de cette personne, de l'agresseur. Mais que l'on soit victime ou agresseur, finalement, donc c'est en allant chercher donc l'entourage de la victime, enfin de l'agresseur, qu'on essaie donc de créer encore plus de dommages, et c'est ce qui arrive donc à la fin du film. Alors, l'un de vos derniers projets, c'est Dr. Brain en 2021, une série de science-fiction pour Apple TV. Est-ce que je peux vous demander de nous raconter brièvement son pitch pour ceux qui n'ont pas encore découvert cette série ? Oui, donc il s'agit d'une série qui s'appelle Dr. Brain, et donc pour l'instant, dans la vie réelle, le cerveau d'une personne qui est même morte reste toujours en vie 36 heures après la mort. Donc techniquement, on arrive aujourd'hui à recréer en tout cas le cerveau en fait d'une personne morte, et on arrive finalement à la retranscrire en scan. Et je suis partie de ce fait là pour donc créer en tout cas une intrigue qui reposerait sur un personnage masculin dont la femme est morte et également dont le fils est mort, et donc le personnage en fait qui est dans le coma, on essaie donc de rentrer dans son crâne, dans son cerveau, pour pouvoir résoudre un mystère. Donc en fait, je dirais que c'est une sorte de thriller. Est-ce qu'on peut y voir, puisque le médecin se fait aussi voleur de cadavres, est-ce qu'on peut y voir une réécriture de Frankenstein de Mary Shelley ? Oui, tout à fait. Je pense que finalement, tous les thrillers scientifiques ou médicaux ne peuvent que être inspirés donc du Frankenstein de Mary Shelley, parce que c'est vraiment un grand classique de science-fiction. Ça a été ça, vraiment, le début de tous les autres films ou romans qui ont suivi. C'est quelque chose d'assez incroyable. Donc, on ne peut que, effectivement, citer cette grande influence, puisque dans Frankenstein, on a un savant fou qui collectionne les cadavres et qui essaye en fait de créer une créature. Et dans mon film, effectivement, le personnage principal également collecte le cerveau des morts. Donc en même temps, il éprouve une sorte de confusion. Lui-même, il a l'impression de devenir un monstre. Plusieurs souvenirs se mêlent dans sa tête. Et Frankenstein, c'est une créature en fait qui est une créature qui est morte et qui n'arrive finalement pas, en tout cas, à s'adapter à son monde, et qui n'a pas sa propre identité. Et comme le personnage principal de mon film, il essaie en tout cas de ne pas ressembler à Frankenstein, mais finalement petit à petit, il le devient, et pour en tout cas essayer de résoudre le mystère donc qui entoure le film. Oui, l'ironie du drame, c'est que finalement le personnage principal se rend compte de quelle personne il était à travers les souvenirs, à travers la mémoire des autres. Et il se rend compte en fait qu'il était un monstre, il se remet en question, et finalement il y a une sorte de résilience. Kim Ji-woon, pour chacune de vos réalisations, vous signez également les scénarios. Quelle est votre méthode d'écriture? Est-ce que vous pouvez nous raconter, est-ce que vous écrivez d'une traite ou au contraire, est-ce que l'écriture c'est un processus lent et douloureux? Alors quand j'étais jeune, effectivement, j'écrivais d'une traite. Je pense que ça a beaucoup à voir en fait avec le physique, parce que enfin, c'est en tout cas un travail très physique, ça demande une énorme intensité. Donc quand j'étais jeune, j'étais beaucoup plus en forme et tous mes scénarios étaient des scénarios donc originaux que j'écrivais. Mais ça me demandait beaucoup d'énergie et là donc avec le temps finalement, j'écris beaucoup plus lentement parce que justement ça me demande beaucoup trop d'énergie. Et c'était Hemingway qui disait qu'un romancier finalement demandait une santé de fer aussi une santé aussi bonne que celle d'un boxeur et également un romancier japonais dont je ne me rappelle plus le nom et que je suis en train de chercher. Bref, en tout cas, l'écriture demande autant d'énergie et c'est quelque chose d'aussi physique et d'éprouvant que la mise en scène, enfin la direction sur un plateau de tournage. Oui, et donc le romancier japonais que je cherchais, c'était Haruki Murakami, qui disait justement qu'un romancier devait être vraiment en bonne forme, et c'est pour ça qu'il fait autant beaucoup de sport et même du marathon pour pouvoir se maintenir en forme, pour pouvoir écrire. Je vous pose une dernière question. Hein. Vos films sont des succès au box-office coréen, mais aussi en Occident, en Europe. Vos films rencontrent un public international et un succès critique. Vous vous expliquez ce succès? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Et d'ailleurs, comment est-ce que je le saurais? Personnellement, je me dis que finalement, il y a peut-être trois grands marchés du film dans le monde. Il y a le marché hollywoodien, le marché européen et le marché asiatique. Et dans ces films donc produits par Hollywood, par l'Europe et l'Asie, finalement, peut-être que les films coréens ne sont pas que, ne font pas partie, en tout cas peut-être de ces trois groupes. Ils ont un peu leur propre style. Et en tout cas, moi, j'essaie de faire des films qui me ressemblent, qui sont à la fois divertissants et à la fois qui arrivent à maintenir en haleine les spectateurs. Donc il y a une sorte de suspense. Mais finalement, vous savez, personne ne sait vraiment ce que les spectateurs et les critiques veulent et ce qu'ils aiment. Donc à chaque fois que je fais un film, à chaque fois, c'est vrai que c'est une énorme inquiétude. Je me demande comment est-ce que je vais faire le prochain film. De manière comme je n'ai pas la réponse, la seule solution que j'ai trouvée, c'est de faire un film qui pourra me plaire à moi, puisque je suis aussi un spectateur, et surtout que le film puisse être dans l'air du temps, dans le sens où il ne doit pas être démodé, en tout cas qu'il puisse plaire. C'est la seule solution que j'ai trouvée. Bien, merci beaucoup Kim Ji-woon. Merci. Bande originale du film Deux Sœurs de Kim Ji-woon, car nous parlons tout au long de cette heure du cinéma du réalisateur sud-coréen. Bastian Meresson, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de cinéma asiatique, programmateur pour plusieurs festivals, directeur artistique et auteur de nombreux ouvrages sur le cinéma asiatique. Antoine Coppola, bonjour. Bonjour. Vous êtes cinéaste et enseignant-chercheur à l'université Sang-Yung-Kwan de Séoul. Merci à vous deux de nous avoir rejoints. Vous étiez, vous aussi, à l'écoute de cet entretien avec le cinéaste. Quelles sont vos réactions suite à cette interview de Kim Ji-hoon, Antoine Coppola ? Oh, c'était très intéressant d'entendre Kim Ji-hoon. Je pense que c'est quelqu'un qui parle très peu et qui se confie très peu sur ses inspirations, sur son avenir de réalisateur. Et donc, c'est intéressant de le voir un peu se dévoiler, de parler de sa relation à la vie, à la mort aussi, à la peur. Il est quelqu'un de peu bavard en général, et j'ai eu l'occasion de l'interviewer à plusieurs reprises pour mes articles et mes livres. Et je pense que là, il a été intéressant, plus que d'habitude. Bastien Merrison, vous aussi, votre point de vue sur cet entretien, ce qui vous a fait réagir ? Non, je rejoins tout à fait Antoine par rapport à ses propos. Kim Ji-hoon, c'est quelqu'un qui s'y livre très très peu, donc vous avez parfaitement su le faire parler. Et il en est ressorti des choses extrêmement intéressantes, notamment de ses débuts et puis également d'une portée un peu plus analytique par rapport à son œuvre sur laquelle il est généralement plus discret et qui pourtant mériterait d'être beaucoup plus analysée et approfondie parce que ses films cachent énormément de choses. Justement, on va essayer de révéler ensemble encore ce que ces films cachent pour compléter l'analyse du travail de Kim Ji-hoon. Il a fait des propositions sur la plupart des genres, que ce soit donc la science-fiction, la comédie, l'horreur, le film noir. C'est quelqu'un qui a renouvelé le cinéma de genre en Corée. Antoine Coppola, comment s'y est-il pris ? Il s'y est bien pris, c'était au bon moment, parce que c'était le moment où le cinéma de genre en Corée était en plein développement. En fait, il y a eu une sorte de nouvelle génération d'investisseurs, des grosses compagnies en fait qui ont investi dans le cinéma de genre, et c'était pas le cas avant, donc des gros budgets, et ils ont cherché de jeunes réalisateurs qui étaient disponibles ici, et Kim Ji-hoon était parmi eux, donc il était au bon timing, on va dire, à ce moment-là, et il a proposé des relectures du cinéma de genre, donc le western, le film d'horreur, le film de science-fiction, et avec une idée de, on va dire, de moderniser et de coréaniser aussi, c'est-à-dire d'introduire des éléments typiquement coréens à l'intérieur du cinéma de genre qui est international, en fait. Bastien Merrison, cette relecture du cinéma de genre chez Kim Ji-hoon, comment s'y prend-il ? Bien, comme disait Antoine, tout à fait. C'est-à-dire que comme d'autres réalisateurs de son époque, il va s'emparer tout d'abord d'influences foncièrement étrangères. Les codes finalement d'un genre, comme vous les citiez, l'horreur, la science-fiction, etc. Mais c'est pour mieux les approprier. Effectivement, en les coréanisant, avec notamment par le biais de l'intrigue, mais en essayant avant tout également d'en exploser les limites. En fait, il s'en amuse. C'est un magnifique raconteur d'histoire, mais c'est quelqu'un qui met énormément d'importance sur la forme. Et donc, il réfléchit vraiment tout ce qui a déjà pu se faire. Il propose, c'est pour ça que c'est un cinéma universel qui parle un peu au public du monde entier, mais par le biais de cadrages, par des trichements de mise en scène, en fait, il va vraiment détourner de ce qu'on a l'habitude de voir. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement jouissif. On l'entendait dans l'entretien dire le film de genre est idéal car il y a toujours des codes à l'intérieur. C'est ces codes qu'il aime casser. Est-ce qu'on aurait un exemple en particulier, Bastien Merrison, de ces codes de genre que Kim Ji-hoon casse avec joie ? Vraiment, on pourrait citer chacun de ses films parce qu'il a la particularité, et c'est extrêmement rare parmi les réalisateurs coréens contemporains, de changer de genre à chacun de ses films. Vraiment, si on devait chercher les origines, c'est dès son premier film, The Quiet Family, qu'il cite d'ailleurs dans l'interview, La famille tranquille, où il va carrément aborder plusieurs genres, les mêler, pour mieux les exploser. Donc en partant d'un film de famille quasiment, à travers une comédie, l'amener vers le thriller psychologique pour finir sur le film d'horreur. Et tout en racontant, là encore aussi, une histoire foncièrement coréenne sur les cellules familiales et toutes les pressions qui s'exercent sur la cellule familiale coréenne. Antoine Coppola ? Oui, c'est dans ce film-là, The Quiet Family, le dernier les dernières séquences où on voit la jeune fille de la famille qui se tourne vers la maison où tout s'est passé, tout ce drame s'est passé, et ensuite se retourne vers la caméra. Donc très rare dans le cinéma coréen, cette idée de regarder la caméra. Et c'est une critique assez, c'était une critique assez unique à l'époque, de critique de la famille, de leurs liens, cette autodestruction, de liens qui liés, qui sont basés sur l'argent en fait. C'est ça qui pousse la famille à s'autodétruire. Et donc cette jeune fille est mise dans la situation par Kim Ji-woon, la situation d'une observatrice. Une observatrice critique, au départ un peu passive, mais à la fin elle se tourne vers la caméra comme si elle voulait quitter cette famille. Et ça, je pense, c'est quelque chose de très coréen, que Kim Ji-woon parle de la société coréenne, mais à travers des références cinéphiliques. Bon, cette famille, cette auberge, c'est l'Auberge Rouge, le film français en fait, et c'est aussi la Addams Family aux États-Unis. Il y a des références cinéphiliques importantes chez Kim Ji-woon. Il les relie et il les coréanise. Bastian Meresson, dans Deux Sœurs, le cinémaste a recours au surnaturel pour peindre la névrose. Et là encore, il y aborde des sujets profondément coréens, en fait. Oui, énormément, énormément. C'est extrêmement intéressant. Déjà, il faut savoir que c'est une nouvelle adaptation d'un conte folklorique traditionnel coréen extrêmement connu, qui avait connu une adaptation dès les origines du cinéma coréen dans les années 20 et qui a été régulièrement refait au cours des décennies. Plutôt par une approche de film historique que véritablement d'horreur. Donc c'est déjà extrêmement intéressant d'observer son approche de ce film. Il a dit lui-même d'ailleurs ne pas du tout s'être inspiré des films qui se sont faits auparavant, mais d'avoir basé tout son scénario et son film sur le conte folklorique traditionnel. Et au-delà du simple film d'horreur, encore une fois, donc il coréanise son scénario, et sans spoiler évidemment, et l'une des plus belles preuves selon moi, c'est déjà le lieu où l'intrigue prend place, c'est cette maison, cette bâtisse, qui a une apparition plutôt japonaise, où à l'intérieur il y a un mobilier plutôt occidental. Bon, nous, en tant que spectateurs étrangers, on va juste révéler la beauté des lieux et peut-être certaines touches exotiques, mais évidemment, aux Coréens, ça parle énormément par rapport à leur histoire plutôt récente, ou du moins des 100 dernières années, avec l'occupation japonaise, donc cette bâtisse qui caractérise l'occupation japonaise, le mobilier occidental qui évidemment renvoie à, on peut dire, l'occupation américaine à la suite de la Seconde Guerre mondiale, ou du moins les influences étrangères et notamment américaines. Donc un lieu, et qui plus est un lieu de drame, puisqu'encore une fois, sans révéler beaucoup de l'histoire, mais il y a eu un meurtre, et donc les personnes, les personnages vivent toujours dans ce lieu imprégné d'un terrible drame. Ils sont véritablement entourés de l'influence japonaise et occidentale, et il n'arrive pas à se défaire du passé. Et en 2021, Kim Ji-woon crée et réalise la série de science-fiction Dr. Brain pour la plateforme Apple TV, un thriller scientifique. Nous voulons tous savoir ce que pensent ou ressentent les gens. Cela signifie-t-il que nous pourrions accéder aux pensées et aux souvenirs d'un sujet? Mais qu'est-ce que ça nous apporte? Vous voulez pirater le cerveau humain? Montre-moi ce que tu as vu. Retrouve notre fils. J'ai vu quelque chose. Vous êtes encore suspect dans une affaire de meurtre. Différents souvenirs se mélangent dans ma tête. Et je ne peux pas les trier. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur votre fils? Donc, vous avez les souvenirs de Chungilim dans votre tête. Les souvenirs auxquels j'ai accédé étaient déformés et extrêmement confus. Je sais plus où j'en suis. Retrouve notre fils. à la bande-annonce de Dr. Brain de Kim Ji-woon. Antoine Coppola, hein, Kim Ji-woon a introduit ce quelque chose de scientifique, de technologique dans le cinéma coréen ? En effet, il a introduit la science, parce que ce n'est pas facile, parce que le cinéma fantastique coréen est dominant. Donc, par cinéma fantastique, il faut entendre des films qui font jouer la magie, le supernaturel, le surnaturel, mais pas la technique, pas la science. C'est lié, en fait, au contexte très spiritualiste de la Corée, avec le bouddhisme, le taoïsme, le chamanisme, qui sont qui font partie complètement de la intégrante de la culture coréenne. Et donc le cinéma reflète cette dimension-là fantastique. Et donc la science et la technologie, c'est un peu difficile de l'introduire. Il faut la mêler, il faut la mélanger aux esprits. Voilà, il faut mélanger la science et les esprits pour arriver à ça. Je pense que Kim Ji-woon tente de faire ça, mais il a une culture très occidentale au niveau de la science-fiction. Ça se voit avec la série, donc cette série-là, mais aussi quand il fait la plupart de ses films, en fait. Ce sont des relectures de films occidentaux. Et donc il a du mal quand même à devenir un réalisateur de science-fiction. D'ailleurs, il n'y a pas de réalisateur spécialisé en science-fiction en Corée. Bastien Merrison. Oui, je tenais à ajouter un court-métrage que Kim Ji-woon avait réalisé en 2012 dans un film à segment qui s'appelait Doomsday Book et où il s'essaye pour la première fois véritablement au genre de la science-fiction et en très rapide, le pitch est un androïde qui est dans un temple bouddhiste et qui visiblement a atteint l'illumination que cherchent évidemment tous les disciples bouddhistes tout au long de leur vie. Et donc, il représente une menace potentielle envers l'humanité. Enfin, en tout cas, c'est le jugement de certaines personnes. Donc, on cherche à l'éliminer. Et donc là, véritablement, comme Antoine l'exposait déjà, il mêle la science-fiction foncièrement à des choses foncièrement coréennes, et notamment le bouddhisme. Donc, c'est un court-métrage extrêmement intéressant, aussi bien dans sa carrière à lui, puisque ça va lui permettre de faire d'autres films de science-fiction par la suite, mais également dans le cinéma coréen dans son ensemble. On l'a dit, ce cinéaste change de genre comme de chemise. Mais Bastien Merrison, quel serait le fil rouge de sa filmographie ? Est-ce que vous voyez des points communs entre plusieurs de ses films, même s'ils sont complètement différents ? La passion de cinéphile à la base, vraiment, c'est quelqu'un comme d'autres réalisateurs de son époque qui sont foncièrement imprégnés par l'amour du cinéma et toute cette ouverture vers le monde, en fait. Donc voilà, ça c'est pour moi vraiment le premier point commun. Tous ces films sont animés par une véritable passion et c'est incroyable de le voir s'amuser autant, en fait, dans les différents genres. Ensuite, lorsqu'on décortique un petit peu davantage sa filmographie, il est question beaucoup de la famille, de la cellule familiale qui est menacée, mais qui est véritablement une thématique très commune à de nombreux réalisateurs des années 2000. Et la dernière, ce serait peut-être cette peur qu'ont tous les personnages et qu'on a entendu également dans la bande-annonce que vous venez de passer de Dr. Brain, cette peur du passé, de certains souvenirs enfouis qui vont se révéler ou que les personnages vont toujours chercher à se révéler à eux-mêmes, en fait, à creuser au plus fort en eux ou à travers d'autres personnages, voilà. Et la peur du souvenir, la peur du passé dans Dr. Brain, donc le personnage principal qui cherche à recomposer les souvenirs de sa femme défunte. Dans Deux Sœurs, l'histoire tourne autour d'un passé oublié. Et puis il y a ce film hors compétition à Cannes, hein, Cobweb, qui travaille justement aussi sur cette notion du passé, Antoine Coppola. Oui, c'est une tendance assez générale dans le cinéma coréen d'évoquer la famille et le passé. Il y a toujours des secrets de famille, voilà, c'est ça, des histoires de secrets de famille. The Quiet Family, par exemple, c'est vraiment centré sur cette idée-là. Il y a toujours quelque chose de caché. Bon, c'est lié à l'histoire de la Corée, la colonisation japonaise, la collaboration. Et Kim Ji-woon a fait un film assez osé à l'époque, c'est-à-dire un film sur un héros collaborateur. C'était presque la première fois qu'un film à gros budget évoquait cet aspect qui est assez tabou dans le cinéma coréen, des collaborateurs coréens pro-japonais. Même si dans The Age of Shadows, c'est basé sur un personnage réel, mais à la fin, il devient un héros et il rejoint la résistance. Bon, ils ont modéré le propos, mais c'est quand même quelque chose d'assez chaud et tabou qui est évoqué dans ce film. J'ajouterai un élément, un fil conducteur à Kim Ji-hoon, c'est, même si je pense qu'il y a au moins deux périodes pour Kim Ji-hoon, c'est l'avant Hollywood et après Hollywood. C'est l'avant Hollywood où il est plutôt dans les films à moyen budget, films de genre typiquement coréen. Ensuite, il passe à Hollywood et il revient en Corée avec des gros projets, des blockbusters. C'est The Age of Shadows et La Brigade des Loups sont des gros budgets. Donc, je pense qu'il y a deux périodes. Et un fil conducteur, c'est la folie. La folie, c'est-à-dire que ces personnages, ils cherchent à pousser ces personnages à la limite de la folie. Et on retrouve ça depuis The Quiet Family aussi, où ça, les choses perdent. Les gens perdent raison, en fait. Les personnages perdent raison et sont emballés par ce qui se passe. Les événements les poussent en dehors d'eux-mêmes. Et je pense qu'on retrouve ça jusqu'à le film central sur la folie, c'est J'ai rencontré le diable, où les deux personnages sont extrémistes, sont jusqu'au boutistes et n'arrivent pas à s'arrêter dans leur recherche de violence et de vengeance. Et on ne sait plus qui des deux personnages est vraiment le diable. Alors comment s'inscrit ce réalisateur dans la nouvelle vague du cinéma sud-coréen ? Restez avec nous. France Culture, la science CQFD, Natacha Trio. Vous écoutez France Culture et nous nous entretenons avec Bastian Meresson et Antoine Coppola à propos du cinéma de Kim Ji-hoon, le réalisateur sud-coréen. Né en 1964 à Séoul, Kim Ji-hoon est issu du renouveau du cinéma coréen de la fin des années 90 avec Park Chan-wook, Old Boy et Bong Joon-ho, Parasite et Transperce-Neige. Ces trois réalisateurs sont de la génération qu'on appelle la génération 386. Antoine Coppola, c'est un trio de réalisateurs qui a évolué en même temps. Oui, tout à fait. C'est une génération un peu entre deux, je dirais, parce qu'ils sont nés, ils sont bien nés dans les années 60, ça c'est vrai. Et ils sont au début, à la fin de la première vague du cinéma coréen, qui correspond aux années, à la fin des années 80, c'est-à-dire des réalisateurs qui sont pas connus à l'international, mais qui ont soutenu le mouvement démocratique. Il faut rappeler que la Corée était une dictature militaire jusqu'à la fin des années 80. Donc il y a un cinéma à cette époque et une jeune génération qui essaye de faire des films en essayant de critiquer la société et de montrer l'avenir démocratique possible. Kim Ji-hoon est trop jeune à l'époque pour participer au cinéma, mais il écoute cette génération. Et donc, il émerge après, dans les années 90, la Corée est devenue un pays démocratique, super capitaliste en fait, ultra capitaliste, et les budgets du cinéma ont augmenté, et il a la possibilité de faire des films. Donc cette génération une génération de transition, il va ensuite être succédé par des réalisateurs de films beaucoup plus on va dire plus coûteux et beaucoup plus connus à l'international, ceux de Bong Joon-ho par exemple, qui est vraiment le symbole du renouveau du cinéma coréen. Bastian Meresson. Oui, alors pour définir déjà la génération 386, qui n'est peut-être pas connue pour les auditeurs, c'est évidemment inspiré du processeur d'ordinateur à l'époque, qui commençait à révolutionner l'ère informatique. Il faut prendre le 386 dans le sens inverse, donc 6 correspond aux années 60, effectivement le 8 aux années 80, où les gens nés dans les années 60 avaient la vingtaine, étaient des étudiants et assistaient aux grands changements politiques qui amenaient, enfin, à la phase transitoire du régime militaire vers la démocratisation et qui, dans les années 90, au début des années 2000, ont 30 ans, d'où le 3. Et donc c'est une génération qui, encore une fois, a connu la démocratisation, qui ont connu le régime militaire avant, qui ont été nourris, qui ont explosé face à l'ouverture du monde pour s'emparer de toutes les influences et qui étaient très en colère quand même par rapport à ce qui a pu se passer. D'où l'explication peut-être de la recherche de souvenirs du passé dans les films de Kim Ji-woon, des gens qui parfois cherchent à se venger par rapport à ce qui a précédé, qui en deviennent presque fous en fait, qui doivent en tout cas contrôler leur colère. Donc voilà, c'est aussi ça qui s'exprime beaucoup dans le cinéma de Kim Ji-woon et dans les films de ses pairs, comme les réalisateurs que vous avez cités, Park Chan-wook et évidemment Bong Joon-ho. Et voilà, donc dans les années 90, l'abolition de la censure plus la naissance d'une volonté de toucher le plus grand public possible, le cinéma coréen est parti à la recherche de la diversification des genres. Et c'est donc à ce moment-là que ce cinéma, Bastian Mareson, a commencé à casser les codes. Oui, comme on l'a précédemment annoncé, en fait, il y a l'arrivée d'une nouvelle génération d'investisseurs et de producteurs qui sont pour beaucoup très jeunes, qui vont aussi à l'encontre des anciens studios qui ne produisaient que des formules à répétition à succès et qui étaient très éloignés des goûts du public. Donc cette nouvelle génération de réalisateurs cherche véritablement à dynamiser, ce qui va susciter le renouveau du cinéma coréen dans les années 90 et notamment la seconde partie. Et parmi l'un de leurs leitmotifs, si j'ose le dire, c'est donc proposer une diversification des genres, aussi bien dans l'ouverture, en fait, détacher des mélodrames à répétition qui ont pu se tourner, des films de guerre, pour ouvrir à d'autres genres, mais d'autres genres populaires également dans le monde. Et c'est ainsi que, voilà, il cherche des réalisateurs, il cherche des jeunes talents qui, encore une fois, sont proches du goût d'un éventuel public et qui contribueraient à ce renouveau. Et donc, voilà, ça donne l'essor foncièrement au cinéma de Kim Ji-woon, Park Chan-wook et Bong Joon-ho, et qui à eux trois vraiment varient souvent les genres d'un film à l'autre ou au contraire mêlent beaucoup beaucoup de genres en un seul et même film. Antoine Coppola. Oui, au niveau de l'économie, c'est un peu compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails. Hein. Je suis un peu mêlé parce que j'avais collaboré au Festival de Cannes pour introduire le cinéma coréen au début des années 2000, à la semaine de la critique. Et donc mon rôle, c'était un peu de présenter les nouveaux films coréens qui arrivaient au début des années 2000. Et c'est vrai qu'il y a une censure qui est moindre à partir de la fin des années 80, mais il y a une censure économique qui se met en place. C'est-à-dire ils sont libres de jouer avec les genres, par exemple, donc ça c'est sûr, mais ils ne peuvent pas évoquer de problèmes politiques. Il y a rarement de films coréens qui parlent de politique. Ou même la critique sociale se fait à travers des métaphores, par exemple les séries de zombies ou les séries comme Squid Game, par exemple. Donc il faut faire les choses indirectement parce que le cinéma est contrôlé par, on va dire, trois compagnies, trois énormes sociétés de production et de distribution et qui aussi contrôlent les salles de cinéma. Donc ils ont un monopole, ces trois grands monopoles font pression sur ce cinéaste. C'est pour ça que Kim Ji-woon, Bong Joon-ho, Lee Chang-dong, Hong Sang-soo, ce sont des réalisateurs qui ont besoin de l'appui étranger, des films, des festivals internationaux d'abord. Il faut qu'ils soient invités, il faut qu'ils soient promus par ces festivals, il faut qu'ils reçoivent des prix pour avoir un minimum de liberté au niveau local. Et aussi au niveau des financements, je me souviens d'un ami à moi, Kim Ki-duk, qui est mort maintenant, qui se finançait grâce à des producteurs japonais ou européens. Donc c'est assez paradoxal comme situation, où on a un cinéma qui commence à être complètement internationalement connu, mais qui localement vit difficilement, où les réalisateurs sont sous pression à cause d'un système monopoliste de production, de distribution des films. Bien, merci à vous deux de nous avoir donné envie de revoir toute sa filmographie. Je rappelle, Bastian Mareson, que vous publiez un livre sur le cinéma asiatique en octobre chez EPA, et Antoine Coppola, votre dictionnaire du cinéma coréen aux éditions Nouveau Monde est disponible en librairie. Merci à vous deux. Merci à toute l'équipe. Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Nafi Terrasse, Garance Prima Anolo, Céline Lozen, Mariam Ibrahim. À la réalisation, Sam Bakiast, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Jean-Guy Limège.